France Inter, franceinter.com. On l'a appelé le pays continent, 15 fois grand comme la France, et aujourd'hui peuplé de 180 millions d'habitants. Le Brésil, le pays du président Lula. Un géant économique et démographique qui ne cesse de progresser. Un État au passé troublé qui, ainsi que de nombreux autres pays de la région, a connu une longue dictature. Certes, les généraux brésiliens ont eu la main moins lourde qu'un Pinochet ou un Videla. Il n'empêche que des centaines de personnes ont disparu et que l'armée a torturé et assassiné. Une armée qui, même après avoir réintégré ses casernes, a longtemps inspiré une grande méfiance et n'a toujours pas répondu de ses crimes ni manifesté des regrets pour son action passée. Et ce n'est qu'en 2007 que l'État brésilien a reconnu officiellement sa responsabilité dans les exactions commises sous la dictature. Et il reste, selon le président Lula, une blessure toujours ouverte, la localisation des dépouilles des victimes, une recherche macabre qui risque de durer très longtemps. Cependant, c'est sans doute à ce prix que le Brésil se réconciliera définitivement avec son douloureux passé. Mais il faudra aussi faire la lumière sur la mort mystérieuse de deux anciens présidents de la République, sur l'implication des États-Unis dans les affaires brésiliennes et même, selon M. X, sur la responsabilité de quelques officiers français devenus maîtres estorture après la guerre d'Algérie. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você você onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. L'armée brésilienne est souvent intervenue dans l'histoire du pays. Mais d'habitude, ses chefs remettaient aussitôt le pouvoir à un civil. Et ça s'arrêtait là. Mais il va en aller tout autrement en 1964, pour le plus grand étonnement des Brésiliens. Car les militaires vont confisquer le pouvoir pendant plus de 20 ans. Alors, avant de voir ça de près, je vous propose un petit retour en arrière. Un peu d'histoire peut-être ? Et pourquoi pas. C'est en 1822 que le fils du roi du Portugal proclame l'indépendance de l'Empire brésilien. Un empereur, donc. Mais une révolution fomentée par les militaires met fin à l'Empire en 1889. Et la République est proclamée. Un régime qui adopte la devise du français Auguste Comte. Ah oui, ordre et progrès. C'est ça. Oui. Et ce qu'on appelle les positivistes inspirent la rédaction de la Constitution brésilienne qui instaure une République fédérale. Toutefois, le pouvoir reste dans les mains des grands propriétaires ruraux. Mais après la grande crise du café à la fin des années 20, l'armée intervient à nouveau. À l'issue de la révolution de 1930, les militaires confient les rênes du pouvoir à Getúlio Vargas, un parlementaire positiviste né dans une famille de fermiers, ancien ministre de l'économie et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Un personnage d'envergure, donc. Hein. Et très charismatique. Dès qu'il est porté au pouvoir par l'armée, il suspend la Constitution, ce qui lui vaudra d'affronter un soulèvement de légalistes. Un peu plus tard, il convoque une assemblée constituante, fait adopter un nouveau texte fondamental et est élu président pour 4 ans. Quel est son projet, là ? Vargas est un progressiste, mais en même temps, c'est un homme d'ordre et même un personnage autoritaire. Alors, s'il donne le droit de vote aux femmes, accorde une législation du travail plus favorable aux salariés ou instaure un système scolaire à la Jules Ferry, il renforce aussi les pouvoirs du gouvernement et du président. Et comme ça ne lui suffit pas encore, avec l'aide des forces armées, en 1937, il prend l'initiative d'un putsch. C'est un putsch contre le gouvernement qu'il préside. Exactement. C'est quand même étonnant. Hein. Sans doute. Mais Vargas veut concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Et il faut bien le dire, le président brésilien va se muer en dictateur. Un dictateur républicain. Et qui s'apparente, les atteintes aux droits de l'homme en moins, à Mussolini. Les partis politiques sont supprimés au profit d'un système corporatiste. Le nationalisme et le rôle de l'armée dans la construction du pays sont exaltés. Dans un pays qui est encore un puzzle ethnique, la notion de nation brésilienne n'est pas encore acquise. Et en même temps, Vargas veut faire entrer son pays dans la modernité à marche forcée. C'est ce qu'il appelle lui-même l'État nouveau. Mmh. Ça rappelle aussi Perón, hein, le voisin argentin. Oui, mais à la différence de Perón, qui ne s'est jamais caché d'avoir des sympathies pour les nazis... Il en accueillera d'ailleurs un grand nombre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais Vargas, lui, choisit clairement le camp des Alliés. Dès 1942, il déclare la guerre aux puissances de l'Axe. Et lorsque les Américains débarquent en Italie, ils sont accompagnés d'un important contingent brésilien. C'est très important, parce que à cette occasion, les officiers des deux armées vont nouer des relations qui, plus tard, joueront un grand rôle dans cette histoire. Mais n'allons pas trop vite, c'est bien ça. Puisque vous voulez toujours avoir raison. Bon, enfin... poursuivons. En participant à l'effort de guerre allié, Vargas n'est pas tout à fait désintéressé. C'est-à-dire comme il ne doute pas de la victoire des alliés... Il espère bien hisser son pays à la première place des pays latino-américains. Ce qu'il est déjà sur le plan de la géographie et la superficie. En effet. Il compte donc sur une sorte de récompense états-unienne. Certainement. Mais malheureusement pour lui, l'armée brésilienne en décide autrement, le débarque et confie aussitôt le pouvoir à un civil. Il le débarque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mais alors pourquoi ce nouveau putsch ? Avec la fin de la guerre et la chute des dictateurs... À l'exception, attendez, l'exception de Franco et Salazar, quand même. Vous avez raison. En tout cas, les régimes autoritaires ne sont plus à la mode et les militaires, mais aussi la population, en ont assez de vivre sous la férule de Vargas. Alors son successeur ? Oh, c'est un conservateur, un personnage plutôt phallo, qui a tout de même le mérite de rétablir la démocratie. Mmh. Et sa politique ? Sur le plan intérieur, bon, il se montre très timoré en matière d'avancée sociale. Et sur le plan extérieur, il se contente d'aligner la politique brésilienne sur celle des États-Unis. Mmh. Donc, en ce début de guerre froide, une politique très anticommuniste. Évidemment. Ouais. Au fond, la voie avait été tracée par Vargas quand il a envoyé des soldats brésiliens combattre en Italie. Hein ? Ah, c'est pas si simple. Certes, l'ancien leader s'est rangé dans le camp occidental. Mais c'est d'abord un nationaliste, c'est-à-dire un farouche partisan de l'indépendance nationale. Et Vargas, justement, n'a pas abandonné toute ambition politique. Il va faire un spectaculaire retour en politique en 1951, l'année où il est à nouveau élu à la présidence de la République. Mmh. Ce qui montre alors que malgré son despotisme qui était réel, mmh, il demeurait populaire. Mais certainement, oui. C'est même l'homme politique brésilien qui aura eu le plus d'importance au XXe siècle. À tel point qu'une certaine idée du Brésil, indépendance, sécurité nationale et progressisme social, sera même familièrement baptisée gétulisme. D'après son prénom, Getulio. Et ce gétulisme demeurera longtemps une donnée essentielle de la politique brésilienne. Alors, si je vous ai bien compris, il est donc réélu. Grâce au parti de gauche qui voit d'abord en lui l'artisan des plus grandes réformes sociales jamais entreprises au Brésil. Mmh. Mais va-t-il pour autant conduire une politique de gauche ? Incontestablement. Et malgré une situation économique très détériorée et un lobby des propriétaires fonciers qui n'entendent rien céder de leurs privilèges, Vargas prend donc effectivement une série de mesures sociales importantes, comme par exemple l'augmentation de 100% du salaire minimal. Idem quant aux réformes économiques. Il crée une banque nationale de développement, nationalise les ressources pétrolières et leur production, tandis qu'il lance un vaste plan de construction routière et d'électrification. C'est un programme très ambitieux. Hein. Et qui, s'il emporte l'adhésion des masses populaires, inquiète beaucoup les possédants. Parallèlement, le Brésil prend ses distances avec les États-Unis. Mais j'imagine que, déjà, la nationalisation des ressources pétrolières n'a pas dû être appréciée à Washington. Ben, d'autant que Vargas refuse d'envoyer des troupes en Corée, comme le lui demande Washington. Et puis franchement, cette politique progressiste et même populiste ne peut pas convenir aux Américains, qui ont toujours tendance à considérer les pays sud-américains comme des colonies où ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Et déjà, à la Maison-Blanche, où officie le général Eisenhower, on commence à se dire que Vargas subit l'influence communiste. Peut-être même que son gouvernement est infiltré. Oui, par les communistes. Oui, oui, à partir de ce moment-là, les États-Unis vont peser de tout leur poids pour se débarrasser de Vargas. D'accord, mais alors, comment ? Bah, avec l'aide de l'armée brésilienne, bien sûr. Pour bien comprendre, il faut faire un tout petit retour en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, au nom du concept de sécurité nationale, les États-Unis entendent que tous leurs alliés sud-américains s'engagent dans la guerre froide. Il faut donc préparer leurs armées à faire partie de cette coalition anticommuniste. Mais c'est alors ce qu'on a appelé la théorie de l'endiguement. Hein. Ah, il s'agit d'édifier une vraie digue contre les menées et l'idéologie communiste. Et dans cette bataille, les militaires doivent forcément figurer en première ligne. Un homme est particulièrement chargé de cette mission. Un Américain, j'imagine. Bien entendu. Oui. C'est le futur général Vernon Walters. Or, écoutez bien, pendant la guerre, cet officier supérieur a assuré la liaison entre le commandement états-unien et le contingent brésilien. Ah oui, ça crée des liens. Comme vous dites. Et un peu plus tard, c'est ce Vernon Walters qui est envoyé au Brésil pour aider à la création à Rio d'une école supérieure de guerre sur le modèle de ce qui existe déjà aux États-Unis. Mmh. Et Walters retrouve à l'occasion ses amis brésiliens. Naturellement. Mmh. Bon, disons-le tout de suite, c'est à l'intérieur de cette école de guerre qu'on va pompeusement appeler la Sorbonne militaire que seront élaborés les principes directeurs du futur Brésil. Mmh. Le Brésil de la dictature. Mais pas seulement. Cette école est aussi un endroit où l'on réfléchit au développement du territoire et à l'essor économique. Mais c'est vrai qu'on y croise pêle-mêle les tenants nationalistes d'un grand Brésil indépendant, mais aussi des personnages appartenant à la droite extrême. Et Vargas sera bientôt la première victime de cette idéologie rampante. Thank you. France Inter, rendez-vous avec X. La revue Hérodote a consacré en 2000 un important dossier au Brésil et en particulier au rôle de l'armée dans la construction de la nation brésilienne. Et voici ce qu'écrit l'universitaire Vania Vlach. Dans le contexte de cette défense de l'idée nationale, ce qui déplaisait fort aux États-Unis, et du caractère populiste de la politique brésilienne, le gouvernement Vargas commença à être mal vu par une partie des armées. Quelques officiers considéraient que l'influence croissante des idées communistes était un danger pour la nation brésilienne. C'est ainsi qu'en 1953, au moment où João Belchior Marques Goulart, ministre du Travail, concédait 100% d'augmentation sur le salaire minimal, une partie des armées réagit en publiant le manifeste des colonels. À partir du moment où le président Vargas acquiesça aux revendications de la gauche, sa politique populiste devint gênante et entra en conflit avec les intérêts de la haute bourgeoisie nationale et des États-Unis, dont les objectifs étaient ceux de la guerre froide. Cela explique pourquoi la force de l'idée nationale de son gouvernement prit un caractère de politique anti-impérialiste qui ne trouva aucun écho ni à la droite de la classe politique, ni chez les militaires. En outre, la mobilisation grandissante de la population autour de la défense de l'idée nationale la positionna d'emblée contre l'impérialisme exercé par les États-Unis, preuve évidente que le peuple brésilien progressait vers la conquête de son statut d'acteur principal dans la nation brésilienne. Ce fut à partir de 1953 que les pressions d'hommes politiques de droite et de secteurs militaires, inquiets d'une possible infiltration communiste, augmentèrent contre le gouvernement Vargas. Le président subit une pression de plus en plus importante. On veut qu'il parte. Et le plus tôt possible. Face à l'hostilité de l'armée et celle de plus en plus évidente de Washington, Vargas essaye de mobiliser la population, son seul vrai soutien. Elle lui répond ? Oui, oui. Pour Vargas, c'est en quelque sorte la preuve que la formation de l'idée nationale, son obsession, est en marche. Mais il a affaire à forte partie. En 1954, on l'accuse d'avoir commandité un attentat contre l'un de ses contradicteurs les plus influents, le journaliste Carlos Lacerda. Et bientôt, c'est la curée. Un groupe de généraux exige sa démission. Il va être déposé par l'armée. Mais il précède ses ennemis et choisit de se tirer une balle dans la tête. Un vrai suicide ? Aucun doute. En tout cas, cette disparition provoque une intense émotion. Pour le peuple, l'ancien dictateur était devenu le père des pauvres. Et il laisse un manifeste à la nation, une sorte de testament, où il accuse le grand capital et l'impérialisme américain de s'opposer au développement social de son pays. J'ai consulté ce manifeste. En voici quelques extraits. Je ne peux rien vous donner de plus, sinon mon sang. Et à ceux qui pensaient m'avoir détruit, je leur oppose ma victoire. Mais ce peuple dont je fus l'esclave ne sera plus jamais esclave de personne. Je lui ai donné ma vie. Maintenant, je lui offre ma mort. Je ne crains rien. Sereinement, je franchis le premier pas vers l'éternité et je sors de la vie pour entrer dans l'histoire. Les généraux auraient certainement pu profiter de cette disparition pour prendre le pouvoir. Et sans doute ont-ils été tentés, mais est-ce à cause de l'émotion provoquée par le suicide de Vargas ? En tout cas, ils renoncent et s'en remettent au respect de la Constitution. Alors, un nouveau président va donc être élu. Un gétuliste, oui. Un gétuliste, il faut rappeler que c'est un partisan de Getulio Vargas. C'est ça. Ouais. Donc, Juscelino Kubitschek. Ouais. Un homme qui va jouer un rôle fondamental dans le destin de son pays. Oui, c'est son nom est lié à celui de la création de Brasilia. Brasilia, oui. Ouais. Une ville neuve venue de nulle part et qui va symboliser l'ambition brésilienne. Auparavant, il faut que vous sachiez que la création de cette capitale était prévue par la Constitution élaborée en 1946. Elle devait devenir le symbole de l'État-nation brésilien. Alors c'est pour cette raison qu'on l'a construite au milieu du pays ? En tout cas, très loin de la côte atlantique, sur le plateau central. Un endroit pas très hospitalier, mais vierge de toute habitation importante. Cela doit conduire à favoriser le peuplement des vastes espaces de l'Ouest. Une idée qui n'est pas si innocente qu'il y paraît. Expliquez-moi alors. Peupler des zones vierges, c'est-à-dire y envoyer des paysans sans terre, ça permet aussi d'éviter une réforme agraire dans les latifundias de l'Est, où règnent les riches propriétaires fonciers. Vous comprenez ? Bon, autre caractéristique de cette capitale, elle doit aussi être à l'image de cette nation qui compte une majorité de jeunes, d'où un urbanisme et une architecture résolument modernes. Et même révolutionnaires, hein ? Oui, les édifices de Oscar Niemeyer sont en effet particulièrement audacieux. En même temps, Kubitschek met en place un ambitieux plan de développement du territoire. Et ce que Vargas n'a pas eu le temps de faire. Ouais, certainement. Kubitschek a d'ailleurs un slogan. Avancer de 50 ans en 5 ans. Alors le Brésil a l'impression de vivre une sorte d'âge d'or. C'est-à-dire que Kubitschek remplit ses objectifs ? Une partie, oui. Mais tout n'est pas très rose. Cette politique de développement, tous azimuts, a une conséquence, l'endettement du pays. En outre, les disparités sociales subsistent. Un seul exemple. Les ouvriers qui ont construit Brasilia sont relégués dans des villes dortoirs, ou plutôt des bidonvilles à plusieurs kilomètres de la nouvelle capitale. Et puis, il y a le Nord-Est, hein, où les paysans sont toujours exploités par les grands propriétaires. Et c'est pourquoi Kubitschek, malgré d'incontestables succès, ne sera pas réélu. Et sur le plan alors strictement politique, les relations tant avec les États-Unis qu'avec les généraux sont plutôt apaisées. D'ailleurs, le plan de développement doit beaucoup aux idées émises par l'école de guerre où enseignent aussi des civils. Seul point noir, Kubitschek esquisse quelques pas en direction du camp de l'Est. Oh bien, timidement, mais quand même. C'est-à-dire alors Kubitschek ne va pas jusqu'à l'établissement de relations diplomatiques. Pour ne pas fâcher Washington. Bien entendu, mais à la faveur de la coexistence pacifique qui s'établit entre l'Est et l'Ouest, il noue des relations commerciales avec l'URSS et ses satellites. Alors revenons à ce que vous disiez, Kubitschek n'est donc pas élu pour un nouveau mandat. Mais du moins en 1960, peut-il transmettre légalement le pouvoir à son successeur ? Et il y avait longtemps que ça n'était pas arrivé au Brésil. Ouais, légalement. Et son successeur alors ? Il s'appelle Eugenio Quadros. Et avec lui, ce sont les conservateurs qui reviennent. Mais ce Quadros est un type assez curieux et plutôt pittoresque. Si en matière économique, il se range résolument dans le camp orthodoxe et prêche l'ordre et la rigueur, il veut aussi conduire une politique extérieure indépendante. Et s'affranchir alors de la tutelle américaine. Oui. Peu avant son élection, il se rend par exemple à Cuba. Une visite à Fidel Castro. Et Castro qui vient tout juste d'arriver au pouvoir. Et un peu plus tard, devenu président, il fait sensation en offrant au Che la plus haute décoration brésilienne. Et cela, quelques mois après le lamentable échec états-unien de la baie des cochons. Pour Washington, ça doit apparaître comme de la provocation, non ? Mais ce n'est pas fini. À l'ONU, les représentants brésiliens prêchent pour la reconnaissance de la Chine populaire et dénoncent le colonialisme portugais en Afrique. Ça, c'est une posture carrément tiers-mondiste. Oui, c'est à peu près ça. Même si Quadros n'entend pas rompre avec l'Occident, non. Il veut plutôt imiter son grand homme, le général de Gaulle. Ah oui. Et c'est à dessein que j'évoque le chef de la France libre, car bientôt, après seulement 7 mois de pouvoir, Quadros tente un coup à la de Gaulle. Ça signifie ça ? Il démissionne. Ah oui, en espérant être aussitôt rappelé, c'est exactement. Ça, ouais. Mais comme de Gaulle en 1946, il ne va pas être rappelé. Fondamentalement, alors, que cherchait-il ? Revenu à la tête de l'État, il avait l'intention de renforcer le pouvoir de la présidence face à un congrès qui se défiait de lui. C'est un échec pour lui. Et un immense désarroi chez les Brésiliens, tandis que Quadros ne cesse de dénoncer, enfin je le cite, les forces terribles qu'il a dû affronter. Terribles. Et qui sont alors, selon vous ? On ne peut pas ne pas penser une fois de plus aux Américains et à l'armée. Alors c'est essentiellement à cause de sa politique étrangère. Ça me paraît évident. J'ajoute aussi que cette surprenante démission provoque également une grave crise constitutionnelle. Les parlementaires, qui ont été quelque peu malmenés ou ignorés par Quadros, en profite pour adopter un amendement constitutionnel qui limite les pouvoirs présidentiels. En revanche, quoi. Tout à fait. C'est d'autant plus facile que le vice-président João Goulart, qui doit succéder à Quadros, se trouve en voyage officiel en Chine. En même temps, il ne fait nul doute que cette réduction des pouvoirs du président vise justement Goulart. Mais pour quelle raison, là ? Parce que les possédants ont tout à craindre de ce travailliste qui risque de s'attaquer à leurs intérêts. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui est ce Goulart qui va devenir le nouveau président du Brésil? Charles Vanek, correspondant du journal Le Monde, en fait le portrait suivant. Jean Goulart, dit Django, a alors 46 ans. C'est un gaucho, un homme des pampas du Sud. Il en a la constitution solide et le goût pour les grands espaces où les troupeaux sont lâchés en plein vent. Il possède d'ailleurs des fermes dans son état natal, le Rio Grande do Sul. À l'évidence, il n'est pas à la hauteur du destin tragique qui lui a été donné. Son parrain politique, Getúlio Vargas, dont il a été le ministre du Travail, s'est suicidé en 1954 dans son palais présidentiel. Après avoir été le vice-président sans histoire de Juscelino Gupicek, l'homme du bond en avant, il est aussi, en 1961, celui de Jânio Quadros, qui démissionne après 7 mois de pouvoir et alors qu'il avait promis de donner un grand coup de balai dans le pays. Voici donc Goulart à la présidence par défaillance du titulaire. Des généraux essaient de lui barrer la route. Il se méfie depuis toujours de ce travailliste qui a la confiance des syndicats et flirte avec les communistes. Mais ils échouent, ce ne sera que partie remise. D'emblée, Goulart est mal parti. Oui, parce qu'il ne dispose que de pouvoirs réduits. Et que le système parlementaire qui vient de lui être imposé le laisse pieds et mains liés. La moindre réforme doit être discutée pendant des jours et des jours. Surtout, bien sûr, si c'est une réforme sociale. Ensuite, le président doit maintenant compter avec un premier ministre. Ah oui, une nouvelle constitution. Là, ben, c'est un président potiche, alors. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais l'opposition parlementaire le paralyse. Et au début 1963, n'y tenant plus, il organise un référendum qui lui permet de récupérer une partie de ses pouvoirs perdus. Il gagne d'autant plus facilement que, dans la population, se développe un puissant sentiment anti-parlementariste. À demi libéré, Goulart instaure une république syndicaliste de type péroniste. Mais ça, attendez, son programme politique, là. Django, comme on l'appelle, veut d'abord en finir avec les archaïsmes du pays. Et là, il est dans la ligne de Kubitschek. Et surtout dans celle de son mentor, Vargas, dont il a été le ministre du Travail. Et c'est la réforme agraire qui lui tient particulièrement à cœur. Car les latifundias concentrent la moitié des terres. Et les ouvriers agricoles y vivent dans des conditions qui ne sont pas très éloignées de l'esclavage. Il lui faut donc affronter les grands propriétaires. Et il s'attaque au texte constitutionnel qui n'autorise les expropriations que si les fazendeiros, comme on les appelle, reçoivent une juste et préalable indemnisation. Cela, à coup sûr, ruinerait le pays. Or, au Parlement, ces propriétaires terriens sont puissamment représentés. Et pour tourner cette difficulté, Goulart imagine d'accorder le droit de vote aux analphabètes. Ah, parce que jusque-là, il ne pouvait pas s'exprimer. C'est exact. Et il ne fait nul doute que si ces ouvriers agricoles pauvres et exploités pouvaient voter, les majorités pourraient changer dans les États. Les plus déshérités, bien sûr. Aussitôt, le président Goulart affronte une nouvelle tempête. Et pas seulement au Brésil. Aux États-Unis, on s'émeut. Des médias parlent même de syndrome cubain. Goulart est soupçonné de s'inspirer du modèle cubain. Et il est accusé d'avoir parti lié avec les ligues paysannes du Nord-Est, qui, après avoir lutté légalement, s'attaque maintenant par la force aux fazendeiros. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, là. Atteinte au droit de propriété. T'inquiète forcément, Washington. D'ailleurs, les Américains ont d'autres sujets de mécontentement. Le propre beau-frère de Goulart, gouverneur de la région de Porto Alegre, est encore plus radical que son parent et n'a pas hésité à exproprier une compagnie téléphonique appartenant au géant ITT. ITT, le trust américain qui jouera un grand rôle dans la préparation du putsch de Pinochet. Vous avez raison, s'attaquer à ITT, c'est affronter directement les États-Unis. Enfin bref, pour Washington, Jean Goulart file un mauvais coton. C'est certain. Et puis il faudra encore parler de la nationalisation des raffineries de pétrole, qui ne l'était pas encore. Mais est-ce qu'en revanche, le président jouit d'un soutien populaire? Oui et non. La gauche modérée approuve ses réformes, ou plutôt ses tentatives de réformes, mais l'ultra-gauche, qui s'inspire bien souvent de l'exemple cubain, dénonce ses atermoiements et le manque de fermeté dont il fait preuve, en particulier dans la mise en œuvre de la réforme agraire. Et selon vous, alors, c'est vrai, ça? Goulart n'est certainement pas un homme à poigne. Alors oui, il est plutôt populaire, mais ses soutiens sont divisés et incapables d'opposer un front uni à une droite de plus en plus remontée qui ne cesse, et souvent brutalement, de le critiquer et de l'accuser d'être un crypto-communiste. D'ailleurs, il pense sérieusement à légaliser l'existence du Parti communiste interdit jusque-là. Une idée qui n'est pas dépourvue de calcul politique. Des députés communistes renforceraient à coup sûr sa majorité parlementaire. Et l'armée, alors ? Il est certain que la hiérarchie n'est pas favorable à Goulard. Certains généraux ne se gênent pas pour écrire que le premier devoir des militaires est de défendre les valeurs de la civilisation chrétienne contre l'impérialisme communiste qui est par nature exotique. Exotique, alors. Par ailleurs, beaucoup d'officiers, tout comme un certain nombre de leurs collègues du continent, ont été initiés à la guerre dite révolutionnaire dans les écoles militaires américaines. Contre-révolutionnaire. Hein. Là où notre trop célèbre général Osares va enseigner lui aussi. Hein, oui, le thème de son enseignement, c'est encore et toujours la bataille d'Alger. Ouais, donc aussi les méthodes de renseignement. Et par conséquent, la torture, oui. À cette occasion, Osares se lie avec les généraux brésiliens. Tant et si bien qu'au pire moment de la dictature, en 1973, on le trouvera au Brésil où il sera nommé attaché militaire. Oui, c'est certainement pas un hasard. Bien entendu. Par contre, à la base, on trouve des soldats qui se situent plutôt à gauche et descendront bientôt dans la rue. Mais encore un peu de patience et j'y viens. Il faut aussi parler des médias et de divers cercles influents qui dénoncent la socialisation rampante du régime Goulard. Mais, par exemple ? Un institut de recherche économique et sociale, qui n'est en fait qu'un faux nez du grand patronat, cet institut, richement doté, mène une intense activité de propagande. Films, conférences, articles, tout est bon pour défendre la libre entreprise menacée par les initiatives de Goulard. Une activité qui est relayée par la plupart des journaux, dont le célèbre quotidien Au Globo. Goulard est donc de plus en plus fragile, et fragilisé. Il va devoir affronter une terrible coalition composée des grands propriétaires, des bourgeois et des médias. Tous appuyés en sous-main par les Américains et leur CIA qui surveillent étroitement la situation brésilienne et qui sont éventuellement prêts à attiser les premiers troubles qui se présenteront. Alors ça commence quand ? Dès septembre 1963, des soldats et des sous-officiers de la marine et de l'aviation se rebellent. Ils protestent contre une décision de justice qui les rend inéligibles, alors même qu'ils ont été régulièrement élus. Goulard et les tenants de la gauche radicale les soutiennent, tandis que de nombreux officiers supérieurs demandent des sanctions contre ces actes d'indiscipline. Il me semble me souvenir que le président n'accepte pas à cette demande. Effectivement. La tension monte. Quelques mois plus tard, en mars 64, Goulard préside un grand meeting à Rio. 250 000 personnes sont rassemblées. Le président annonce qu'il va enfin passer aux actes et procéder rapidement aux réformes qu'il n'a pas pu encore réaliser. Mais dont la réforme agraire. Et il laisse entendre que la légalisation du Parti communiste n'est qu'une question de temps. Au cours de ce même rassemblement, ce beau-frère, dont je vous ai déjà parlé, se montre encore plus extrémiste. Lui, il veut fermer le Parlement et le remplacer par une assemblée populaire composée d'ouvriers, de paysans et de soldats patriotes. Ah, ça c'est carrément du gauchisme. Et ce type, vous l'imaginez bien, ne rend pas service à son beau-frère, bien au contraire. Car les généraux sont à l'écoute. L'un d'eux en particulier, Humberto Castelo Branco, chef d'état-major de l'armée, catholique dévot depuis la mort de son épouse. Et c'est d'abord un homme d'ordre qui envisage depuis longtemps et sans aucun état d'âme de mettre fin au pouvoir de Goulard. Et donc d'exécuter un golpe, comme on dit en Amérique du Sud. C'est-à-dire un coup d'État militaire. Ça signifie donc qu'il n'est pas seul. Oui, ça fait déjà un certain temps que des généraux complotent. Une anecdote en passant. Après avoir assisté depuis sa fenêtre donnant sur la place de la République à ce rassemblement, le général reçoit un important visiteur, ce Vernon Walters, qui est alors attaché militaire à l'ambassade des États-Unis. Qui sera plus tard, il faut noter, un des patrons de la CIA. Oui. Castelo Branco commente ce qu'il vient de voir et conclut « Je n'ai vu que des fossiles et des marteaux ». Ah oui. Enfin, peut-être que Walters n'avait pas besoin de ce commentaire. Certainement pas. D'ailleurs, à Washington, alerté par l'ambassadeur états-unien au Brésil, on est sur le point d'intervenir. Et parce qu'on est au courant des préparatifs du putsch, alors. Parfaitement. Et une opération Brothersome est déjà au point. frère Sam, quoi, Brother Sam. C'est affectueux, hein. Et qu'est-ce qui est prévu? L'envoi dans les eaux brésiliennes d'un porte-avions et de toute une flotte transportant en particulier des armes et des réserves de carburant. Pour approvisionner les troupes rebelles. Naturellement. Donc tout est prêt, à la fois du côté des putschistes et du côté américain. Mais avant de déclencher le golpe, il faut un prétexte. Et c'est un nouveau cas de rébellion dans la marine qui va le leur fournir. Un certain nombre de marins, en freignant les consignes de leur ministre, assistent à une projection du cuirassé Potemkin. Le film du cinéaste soviétique Eisenstein. Hein. Oui, et le lendemain, l'un de ses matelots, par ailleurs militant d'extrême-gauche, est arrêté. Aussitôt, ses camarades se solidarisent avec lui. Et des fusiliers marins envoyés pour mater ce début de rébellion prennent eux aussi fait et cause pour les mutins. Tout cela étant spontané ou bien... Vous insinuez qu'il aurait pu y avoir au départ une manipulation? Écoutez, c'est possible, mais je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le président Goulard refuse de sanctionner ces rebelles. Bien au contraire, il limoge le ministre de la Marine, ce qui provoque la fureur de tous les officiers supérieurs du Brésil. Et ça, alors, c'est l'incident qu'attendaient tous les adversaires de Goulard pour déclencher le coup d'État. Et ça va aller très vite, très très vite. Le 31 mars, au matin, à l'initiative d'un général commandant les troupes stationnées dans le Minas Gerais, 2000 soldats et 25 blindés se dirigent vers Rio. Toutefois, exactement comme Salvador Allende, qui croyait à la loyauté de ses généraux, Goulard pense que l'armée lui restera fidèle. Grave erreur. Car les uns après les autres, tous le lâcheront. Et ce sera le début d'une dictature militaire qui durera 20 ans, et se rendra coupable de centaines d'exactions. Mais je vous propose de revenir sur les dessous de ces événements la semaine prochaine. Dans leur histoire du Brésil, Bartolomé Benassar et Richard Marin analysent ainsi la révolte de l'armée. Pourquoi une fraction de l'armée a-t-elle basculé dans l'illégalité à ce moment-là ? Outre son anticommunisme traditionnel, la certitude que l'anarchie s'était emparée des casernes a joué un rôle déterminant dans son passage à l'acte. La participation de la troupe et des officiers subalternes à l'agitation politique et sociale, leurs attaques redoublées contre la hiérarchie avec, parfois, la complaisance des autorités civiles, ont peu à peu conduit à contester la légitimité du président, jugé incapable de garantir la cohésion et l'unité de l'armée. Ce livre a été publié par Fayard à samedi prochain et je vous rappelle que sur franceinter.com vous pourrez réécouter cette émission et même la podcaster. Merci à Michel Billoux, Rebecca Delante et Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, CO2 mon amour de Denis Chessou.